mon boulot, na kosa ala yangoe. Mon boulot, na sepe la kanangoe. Mon boulot, na kosa ala yangoe. Mon boulot, na sepe la kanangoe. Se ne paye pas au chamo sala liboso mon boulot na cosa ala yango mon boulot na sepe la kanango mon boulot na cosa ala yango mon boulot na sepe la kanango Abado.